Hey Manu, fais voir ton livre. Oh, L'Armée furieuse! C'est le dernier Fred Vargas, je ne l'ai pas encore lu. Tu peux me le prêter? Ah non, je peux pas. Il n'est pas à moi. On me l'a prêté. Allez, sois gentil. Je le lirai vite. Les policiers, surtout ceux de Fred Vargas, je les lis en 2 jours. Il y a un tel suspense. Mais non, c'est pas possible. Écoute, en fait, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je dois le rendre jeudi. Eh ben, ça marche. On est dimanche, tu me le passes aujourd'hui et je te le rends mercredi soir. Comme ça, tu le rendras pas en retard. Ça m'ennuie un peu quand même, tu comprends? Si tu le perds, si tu l'abîmes? Allez, sois sympa. Bon, ben d'accord, Cathy. Mais rends-le-moi mercredi sans faute. D'accord, je te le promets. Merci.